Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Romancier, essayiste, traducteur et peintre, on connaît le visage et l'allure de Pierre Klossowski par les rôles qu'il interpréta au cinéma comme, par exemple, celui du marchand dans l'inoubliable film de Bresson, Au hasard Balthazar. Si aujourd'hui son nom ne dit plus grand-chose à un large public, c'est qu'il a été occulté par celui de son frère, le très célèbre peintre Balthus. Mais Pierre Klossowski eut une influence et une présence déterminantes dans les cercles intellectuels et artistiques les plus intéressants et inventifs de la modernité française et européenne du XXe siècle. Ami de Bataille, de Breton, mais aussi de Rilke, qui fut l'amant de sa mère, Pierre Klossowski écrivit de magnifiques méditations sur le pouvoir sulfureux du désir et de merveilleux textes sur le Marquis de Sade. Pour faire connaissance avec l'œuvre, on relira « Les lois de l'hospitalité », un roman en trois volets réunissant la révocation de l'édit de Nantes, Robert ce soir et Le Souffleur, et qui fut porté à l'écran par le cinéaste Pierre Zucca. Ou encore ses livres très intelligents consacrés à Nietzsche. Je ne tiens pas à en dire plus pour vous laisser découvrir dans cette série d'entretiens avec Claude Rémusat l'un des représentants importants de la culture la plus ouverte et raffinée du siècle dernier. Ajoutons juste que Pierre Klossowski est né en 1905, qu'il est mort en 2001 et que cette série d'émissions fut diffusée sur France Culture pour la première fois les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juin 1972. Dans le bruit qui accompagne aujourd'hui les moindres manifestations sur le plan artistique ou littéraire, vous poursuivez Pierre Klossowski depuis des années, une démarche qu'on pourrait qualifier de secrète, je dirais même discrète, dans des domaines aussi divers que la fiction. Depuis votre premier roman, La vocation suspendue, jusqu'au Baphomet qui obtint le prix des critiques en 1965, en passant par la trilogie des Roberts, réunie sous le titre Les lois de l'hospitalité. Également dans celui de l'essai sur des auteurs du passé, qu'on voit aujourd'hui dans les livres de poche et dont on entend parler dans les discours universitaires, Sade ou Nietzsche par exemple, sur des écrivains plus récents aussi qui déjà subissent le même sort et dont certains ont été ou sont encore de vos proches amis, Brice Parrain, Georges Bataille, Maurice Blanchot. Également dans le domaine de la traduction, nous pourrions citer par exemple Suétone, Hamann, Nietzsche, Saint-Augustin, Heidegger, et surtout l'Énéide de Virgile, qui suscita quelques controverses. Enfin, dans le domaine du dessin, vous suivez depuis toujours une voie parallèle à celle de votre œuvre littéraire. À présent, malgré votre persévérante modestie, vous occupez une place d'autant plus en vue qu'elle reste en dehors de toutes les écoles et toutes les chapelles. On a beaucoup écrit sur vous, Gilles Deleuze, Michel Foucault, Maurice Blanchot, Michel Butor, Georges Bataille, pour ne citer que quelques noms. Récemment, un numéro de la revue L'Arc vous a été consacré. Parmi tous ces écrits, soulignant l'un ou l'autre aspect de votre œuvre ou de votre personne, figure un texte où vous dégagez vous-même les thèmes principaux de votre œuvre. Vous y dites notamment qu'il existe à vos yeux une profonde rupture entre vos premiers livres, La vocation suspendue, la première version de Sade, mon prochain, et l'ensemble que constituent les lois de l'hospitalité, le bain de Diane et le Baphomet. Pourriez-vous situer le point et les causes de cette rupture ? En effet, ces deux premiers ouvrages qui remontent respectivement à 47 et à 50, Sade étant une étude et La vocation suspendue, une fiction, liquide, si j'ose dire, tout ce qui m'agitait encore à la veille même de la guerre. des influences incompatibles, déjà lointaines. Gide, Rilke, la psychanalyse, plus tard le face-à-face avec Sade, puis avec Bataille, Breton et les surréalistes, enfin l'isolement avec Bataille, et plus tard encore la formation du groupe Acéphale, doublé du collège de sociologie. Enfin, aussi, mon contact avec le groupe des Barthiens d'alors, les disciples de Karl Barth, particulièrement Denis de Rougemont et Henri Corbin, donc la théologie luthérienne, la découverte de Hamann, le mage du Nord, à travers Kierkegaard, découverte qui me mettait bientôt en opposition à la théologie romaine que je connaissais mal encore. Puis enfin, durant la guerre, l'impossible recherche d'un lieu de contemplation. Somme toute, puisque ce fut là mon expérience, la vie monastique bientôt éprouvé en tant que théâtre, et une interprétation toujours faussée de la doctrine thomiste. Le fond de la lutte clandestine, les milieux de la résistance, des rencontres singulières lors de mon retour à Paris, le groupe de Dieu vivant, des personnalités telles que Marcel Moret, que je connaissais depuis ma fréquentation avec Bataille, Louis Massignon, et surtout, après des conflits et des brouilles, la reprise de mes rapports avec Bataille. Tout ceci que je cite en vrac formait une stratification qui, tout en se liquidant en soi, n'en avait pas moins ramené à la surface des éléments fort anciens. Avant d'aborder la trilogie des Roberts, peut-être pourriez-vous nous parler aujourd'hui du Bain de Diane, dont la récente réédition était attendue depuis de nombreuses années. Ceux qui vous lisent savent la place importante que la notion de simulacre tient dans votre œuvre. Ce livre, où certains thèmes qui vous sont propres, réapparaissent dans le mythe de Diane surprise au bain et d'Actéon transformé en cerf et dévoré par ses chiens, est illustré, on pourrait presque dire animé, par les photographies de la célèbre statue de Diane Chasseresse. La statue représente par excellence le fantasme vécu de l'espace. C'est l'instant spatial que le fantasme du corps, en tant que foyer de résistance, projette et délimite en tant que lieu conquis sur la résistance externe. Ou, au contraire, en tant que lieu imposé par l'obsession même. Et les représentations statuaires des dieux qui apparaissent plutôt à une date tardive, puisque la Rome primitive ne connaissait pas de statues. C'est le contact avec les Grecs, avec l'Égypte aussi, mais avec les Grecs surtout. Enfin, il y a un moment donné où la figure, la physionomie des dieux est suffisamment dégagée pour être représenté non seulement par des visages, par des têtes, mais par des attitudes. Alors, il y a en plus de ceci un mouvement. Et précisément, la Diane Chasseresse, dont l'original est déjà une réplique romaine, d'une statue hellénique tardive. Il n'existe que des répliques. Oui. Celle qui se trouve au Louvre, que nous avons photographiée, Pauvert et moi pour la première édition du Bain de Diane, sous différents aspects, et assez caractéristique, bien que tellement souvent reproduite, n'est-ce pas, qu'elle en est devenue banale. Mais si l'on décompose le mouvement de la statue, puisque c'est justement une jeune femme qui court, en somme, qui n'a pas encore le pas de course, comme il y en a d'autres, mais qui se met en mouvement, qui est sur le point de prendre son élan, tout en regardant au loin, n'est-ce pas, il y a là tout un instant. Il y a un instant, c'est-à-dire, la déesse est comme interceptée. Et alors, je crois que, en fonction de ce genre de représentation statuaire, on conçoit toute l'importance, non seulement de la procession des statues portées en procession, et alors il y a une façon de les porter de sorte que leur mouvement prend un sens divinatoire, qui est interprété par les augures, mais il y a aussi l'exposition des dieux, des statues des dieux, qui sont alors peints, même fardés, et il y a enfin les jeux scéniques qui sont en quelque sorte la mise en mouvement et le commentaire parlé de la statue muette. C'est-à-dire que le spectateur a une représentation de la statue et en même temps le jeu des histrions qui jouent les déesses, qui jouent les dieux, sont comme des commentaires de ces statues. Mais comment se passaient exactement ces jeux scéniques? Les statues étaient réunies et... Ah non. Ce sont des rites, ce sont des célébrations. Oui. Les lectisternes, par exemple, où on montre les dieux couchés pour un repas que le peuple vient leur offrir, n'est-ce pas, est une célébration religieuse. Mais les jeux scéniques, c'est-à-dire le théâtre, les propos portés à la scène, sont essentiellement ceux qu'attaquent les pères de l'Église, n'est-ce pas, et qu'attaquent également les moralistes romains, même non encore convertis au christianisme, puisqu'il en est déjà question, même à l'époque de Cicéron, n'est-ce pas, les mises en scène sont précisément particulièrement scandaleuses parce qu'elles représentent les turpitudes des dieux. Par exemple, les titres qui sont donnés par Tertullien, Diane flagée, Anubis ou l'homme-lune, etc. Ce sont des mises en scène qui font sortir le dieu ou la déesse de sa rigidité, de son attitude qui garde un secret, oui, et dont le secret est divulgué par ce commentaire scandaleux pour les pères de l'Église, puisque c'était quand même des dieux. Par quoi on voulait démontrer l'absurdité de la notion païenne de la divinité. Oui, qui serait corrompu. En quoi étaient-ils scandalisés? Alors ils auraient dû s'en réjouir, au contraire. Ils non, auraient dû se réjouir de voir de la disparition non, de ces dieux. Non, parce qu'on respecte toujours la notion de divinité, mais non pas leur, évidemment, pas dans leurs énoncés polythéistes. Mais ce qui les scandalisait davantage, c'était d'attribuer à une nature divine la possibilité de se montrer corrompu. Mais moi, je ne parle de tout ceci parce que vous m'avez demandé ce qu'il en est de la statue. Et à l'origine de cette expérience de la statue, je remonterai à cette émotion que m'avait procurée dans mon enfance le spectacle des automates, des figures de cire, grandeur nature, telles qu'on les exhibait au moment des fêtes de Noël, dans les grands magasins, en particulier au bon marché. C'était des spectacles d'inspiration foraine, avec les personnages des théâtres forains, c'est-à-dire Arlequin, Colombine, et il y avait un repas de Colombine et de Pierrot, chacun assis à l'une des extrémités d'une très grande table, et à la hauteur de chacun d'eux, il y avait une guérite. Et dans cette guérite se trouvait un arlequin qui, au moment où Pierrot portait une bouchée. À sa bouche, n'est-ce pas? Recevait un coup de bâton de Harlequin qui redisparaissait, réapparaissait en prenant des fleurs du côté de Colombie. Et tout ceci dans un mouvement accompagné de musique, des gestes plus ou moins saccadés, des mouvements, des jeux de physionomie extraordinaires, donc des machines très luxueuses et qui ont totalement disparu du répertoire publicitaire des grands magasins, évidemment. Est-ce que ça vous faisait peur ? En aucune manière. Mais je veux dire que, d'ailleurs comme pour la pantomime, il y a aussi ce point de départ du mouvement figé qui devient brusquement mouvement saccadé et qui se décompose selon les circonstances et finalement ramène la position première, n'est-ce pas ? Et c'est un petit peu ce que l'on peut retrouver tant dans le bain de Diane que dans Robert ce soir. Une sorte de cycle. Oui, oui. En 1947, vous avez publié un livre sur Sade, intitulé « Sade, mon prochain ». Par la suite, il vous a semblé que vous aviez donné, dans ce que vous appelez un certain romantisme, et méconnu dans la psychologie sadienne, le mythe de l'androgyne que vous avez illustré, notamment dans le Baphomet. Vous avez donc republié « Sade, mon prochain » en 1967, précédé d'une préface et d'un texte intitulé « Le philosophe scélérat ». Dans ce texte, vous parlez de la présence du non-langage dans le langage. Pensez-vous que ce soit le propre de Sade, ou n'est-ce pas en quelque sorte le propre de toute œuvre écrite ? Pour vous, par exemple, le fait de dessiner n'est-il pas comme un témoignage de l'insuffisance du langage écrit ? Je rappellerai d'abord, pour ce qui est de l'écriture de Sade, en proclamant le fameux droit de tout dire, Sade se remet tout de même à l'interdit implicite de la syntaxe classique. Et cet interdit l'astreint à ce que j'ai nommé la réitération. Du point de vue de la lecture conventionnelle, sa communication dans une syntaxe rigoureusement soutenu, devient illisible. Or, c'est l'illisible, produit de la réitération, qui affirme l'obsession incommunicable. L'illisible, sous ce rapport, me semble ici recouvrir ce que Roland Barthes nomme le scriptible. Le lecteur, pour ne plus rester, comme dit Barthes, le simple consommateur d'un texte, est convié à produire lui-même le texte à partir de sa scriptibilité, c'est-à-dire l'illisible étant ce qui est à écrire et non pas ce qui est écrit, sa scriptibilité opposée à la lisibilité consommable. Plus particulièrement, ça fait aboutir maintes argumentations à la description des mêmes actes, soit au tableau. Le retour, la réitération, est due a la vision d'un tableau. On peut retrancher les arguments et ne lire que les tableaux. C'est ce qu'il supposait que feraient la plupart de ses lecteurs. Chez Sand, il y a donc un fantasme contraignant qui n'est pas ce que matériellement il décrit, mais que sous prétexte de décrire, c'est-à-dire des monstruosités, il démontre par la réitération écrite. La description n'épuise jamais le tableau à décrire. La description réitérée du tableau tient lieu ici de simulacre de l'extase. Mais pour vous, par exemple, dans votre œuvre écrite, on trouve des descriptions de tableaux. D'autre part, il y a votre œuvre graphique, votre œuvre dessinée. C'est la raison pour laquelle je vous posais cette question. Quelle différence y a-t-il pour vous entre la description d'un tableau que vous faites, par exemple, dans les lois de l'hospitalité, ces tableaux que vous décrivez minutieusement, et vos dessins? J'ai insisté ailleurs sur la double expérience absolument incompatible qu'il y a entre l'exploration de l'espace mental et l'exploration de l'espace proprement dit, qui est celui de la résistance physique des objets que l'on rencontre. Mais précisément, le phénomène des arts plastiques, qui est inconcevable sans l'exploitation de l'espace où se produit le mouvement, le déplacement, prouve que le monde mental n'est qu'une pure analogie de ce qui se produit d'irréductible dans le monde quantitatif de l'espace. Et c'est pourquoi, lorsque je veux communiquer, soit par la parole, soit par des objets, par des meubles, si j'ose dire, ou même des immeubles, une émotion, un autre procédé constitue un passage infranchissable. Une scène décrite et la même scène en tant que tableau sont deux modes d'appréhension aussi différents entre eux que leur objet même semblerait identique. Est-ce parce que dans le tableau, tout se présente à la fois, d'une manière simultanée, et que la description écrite serait malgré tout linéaire et successive? Le tableau est simulacre de l'espace, comme la statue est, si vous voulez, simulacre de la représentation. La description peut se développer en commentaire et en discussion implicite à la scène, et cependant, elle nous transporte ailleurs, sur d'autres plans, qui n'ont rien de commun avec la scène telle qu'elle se présente sur le tableau, dût-elle dissimuler les autres plans. Or, le tableau ni ne commente, ni n'énumère de détails, puisqu'il les saisit d'emblée, vous l'avez dit tout à l'heure, dans leur opposition ou leur connexion, de telle sorte que celles-ci agissent avec d'autant plus de force qu'elles circonscrivent dans toutes les parties du tableau le silence, soit l'absence du commentaire ainsi refoulé. Dans votre livre sur la monnaie vivante, ce ne sont plus des dessins, mais ce sont des photographies qui sont accompagnées d'un texte. L'interprétation des rapports entre le texte et les photographies me paraît extrêmement difficile. Pourriez-vous expliciter un peu ces rapports? Il y a plusieurs plans. Il y a d'abord le caractère, si l'on veut, anecdotique, concernant un personnage. Et ce caractère-là, évidemment, n'est vérifiable que par le nombre restreint de lecteurs qui connaissent le personnage de Robert, puisque ce sont certaines scènes du livre qui inspirent certains tableaux. Mais indépendamment de cette référence à la trilogie de Robert, il y a un texte entièrement théorique et qui concerne précisément le rôle apparemment contradictoire du simulacre et de l'objet ustensilaire en tant que produit du même acte de fabrication. L'objet ustensilaire n'est ustensilaire, ne répond aux urgences de l'existence que dans la mesure où il exclut l'urgence de la volonté. Toutefois, qu'est-ce qui est urgent? C'est l'équivoque, l'ambiguïté même de la notion d'urgence qui fait que on ne sait jamais si le simulacre n'est pas lui-même un objet ustensilaire du point de vue psychique, et qu'un objet ustensilaire risque d'autre part de devenir lui-même un simulacre de besoin, comme on le sait, selon les processus de production, un objet peut parfaitement précéder la demande et la provoquer. Alors, ces photographies, indépendamment du fait qu'elles présentent le regard très remarquable du photographe Pierre Zoukin, ces tableaux vivants veulent reproduire et caricaturer en même temps une sensibilité ancienne, relevant de moyens artisanaux, si j'ose dire, et l'opposer à la stéréotypie industrielle, fabriquée avec des moyens techniquement perfectionnés, dégradant de manière d'autant plus sûre le contenu des images qu'elle communique. Par conséquent, il y a opposition de stéréotypes anciens ou d'une stéréotypie ancienne et une stéréotypie, si l'on veut, technocratique, industrialisante, laquelle cherche à intercepter la vie fantasmatique en imposant les stéréotypes industriels au fantasme naissant qui agite le consommateur actuel. Mais pensez-vous que ces objets fabriqués actuellement par l'industrie soient créateurs de fantasmes dirigés d'une certaine façon? Je ne dirais même pas qu'ils puissent diriger des fantasmes. Ils créent des habitudes visuelles qui, à la fois, empêchent et de penser et de rêver. Il n'y a rien de plus anti-onirique que la production d'images actuelles. Vous voulez parler, par exemple, de certaines images qu'on trouve dans la publicité actuellement de... Oui, la publicité semble quelque chose de très superficiel. On a l'air de vouloir parler d'un phénomène considérable. Certainement, la publicité est un épiphénomène qui est tout à fait dans les habitudes courantes de la société, de toute société mercantile. Mais ce qu'il y a de plus profond, c'est tout de même le moyen d'agir sur une vie affective aussi ébranlé, aussi dispersé, aussi faible dans ses résistances que l'est celle des générations modernes. Que pensez-vous, par exemple, de ce qu'on appelle justement l'érotisme dans la publicité aujourd'hui ? Mais précisément, l'érotisme publicitaire est l'auteur de cette notion d'érotisme qui tue la réflexion, qui tue précisément le principe même de l'érotisme qui est dans la représentation, qui est dans la pensée et qui ne présente généralement que des images figées derrière lesquelles il n'y a absolument rien. Et je crois que précisément cette vulgarisation n'a rien de bouleversant. Et c'est la raison pour laquelle elle est tolérée. Pierre Klossowski, peut-être pourrions-nous aujourd'hui aborder la trilogie des Roberts que vous avez intitulée « Les lois de l'hospitalité ». Cette trilogie se compose de Robert ce soir, où nous voyons Octave, l'époux de Robert, entreprendre l'éducation de son neveu Antoine, de la révocation de l'édit de Nantes, qui transporte Robert en Italie, dans l'atmosphère de la résistance, à la fin de la guerre, mais où nous la voyons aussi se promener au Palais Royal. Enfin, du souffleur, où le personnage de Robert se dédouble, ainsi que celui de son mari Théodore Lacaze, et où sont exposées ses lois de l'hospitalité, en vertu desquelles l'hôte offre son épouse Robert à ses amis, afin de mieux la posséder. Pourriez-vous nous expliquer comment les choses se sont composées en dehors de vous, d'une certaine façon, pour former cette trilogie, où Robert ce soir forme le centre? Robert ce soir s'est composé dans le contexte dont je vous parlais la dernière fois, c'est-à-dire une sorte d'explication définitive avec une certaine notion de la scolastique, d'une nouvelle vision de l'existence fondée sur la liquidation du principe d'identité. Robert ce soir se présente littérairement comme une comédie injouable en trois actes ou en trois parties, ou plus essentiellement sous forme de dialogue qui se poursuivent sur le mode de la dialectique platonicienne, d'après son principe disjonctif, ainsi que l'a relevé plus tard Gilles Deleuze. Et une disjonction tout à fait personnelle, évidemment. Et tout est axé sur la dépersonnalisation, comme on disait autrefois, ou plus exactement sur la propriété et l'expropriation du moi, et encore selon les données même de la théologie scolastique, qui, dans ce que l'on nomme la communication des idiomes, élucidait au sein de la Trinité les relations des trois personnes. Ceci est un modèle de pensée qui sera développé plus tard au Moyen-Âge avec la notion de communicabilité et d'incommunicabilité dans un sens diamétralement opposé au sens moderne, c'est-à-dire que une personne créée, c'est-à-dire une essence qui devient une existence, qui devient une personne, un individu dans l'existence, devient incommunicable, c'est-à-dire rester identique à soi-même et ne pas pouvoir être échangé, contre quelque chose d'autre. Ma substance ne peut pas passer dans une actualité qui ne serait pas la mienne. Vous voulez dire qu'il y a une opacité de la personne? Une irréductibilité. Non pas une opacité, si l'on veut, plutôt une irréductibilité. Et cette irréductibilité peut-elle se transformer dans la mesure où la personne est amenée à assumer différents rôles, par exemple? Est-ce que c'est là la notion de rôle et de pièce de théâtre? C'est ça. Alors, c'est-à-dire que, n'est-ce pas, il ne faut jamais perdre de vue ceci, puisqu'il en est longuement question dans la première partie de Robert ce soir. Il est précisément question de la communication des idiomes, qui est justement impossible, selon la théologie et la scolastique médiévale, entre individus. Sinon, simplement en tant qu'hypothèse métaphysique. Et c'est précisément ceci que j'ai retenu pour commencer à m'attaquer au problème de l'identité. Le drame intérieur, le problème étant de savoir si Robert, l'épouse d'Octave, dont le neveu était pris, le jeune Antoine, qui est le pupille du couple, le collégien de 14 ans, amoureux de sa tante, sert de terrain d'expérimentation pour le professeur Octave, lequel expérimente ce qu'on nomme les lois de l'hospitalité, c'est-à-dire la prostitution de l'épouse par l'époux, qui expérimente ce plan au niveau même de la psychologie de son neveu. Et alors les discussions commencent sur l'apparente austérité de Robert, qui, en fait, dans le contexte romanesque, est une inspectrice de la censure, en même temps femme députée à l'Assemblée, qui a des principes plutôt puritains, et qui, en outre, dans son puritanisme même, est parfaitement laïcisante et incroyante, et par conséquent échappe tout à fait aux ratiocinations théologiques d'Octave, qui, lui, continue à représenter justement ce monde que moi-même j'ai écouté, c'est-à-dire le monde de la théologie chrétienne. Mais qu'est-ce qui a pu vous amener à avoir cette vue de la femme de tête qui prend un rôle dans la société en tant que femme d'action et même mêlée en quelque sorte étroitement à la politique, à des intrigues? Eh bien, Robert est beaucoup plus réel en un sens et un personnage beaucoup plus actuel, tandis que le professeur Octave est un représentant du monde qui est en train de disparaître. Et en fait, les personnages sont plutôt des porte-paroles de plusieurs mondes d'idées plutôt que des types d'un milieu. Et les personnages seront beaucoup plus développés dans la révocation d'Édith de Nantes, et alors on verra davantage leur contexte dans notre société actuelle. Mais chez Octave, il y a plutôt les résidus du monde, des cadents, et par sa subtilité aussi, le monde du symbolisme, d'un symbolisme réactionnaire, également les arguments à la Joseph de Maistre ou à la Barbey de Révisy. Chez Robert, au contraire, il s'agit d'un type de femme spécifiquement moderne, et donc il y a un contraste de génération absolu. La toute dernière génération étant représentée par le neveu, qui représente alors la perplexité de son âge et en même temps sert par sa propre convoitise de miroir à celle des personnages qui l'entourent. Par conséquent, en ce qui concerne Robert, c'est la duplicité, en somme inconsciente, d'une nature. Et toute la démonstration est précisément de montrer comment ce personnage qui paraît entier au début se décompose totalement dans les dernières scènes. Oui, mais cette nature dont vous parlez, c'est celle de la féminité traditionnelle, dans le sens où on peut parler d'un éternel féminin, disons que... Enfin, pour schématiser un peu, que Robert serait divisé entre ce qu'on peut appeler un caractère qui serait proche de ce qu'on appelle traditionnellement le masculin, c'est-à-dire l'action, la prise sur la société, et qu'elle serait en quelque sorte trahie par la chair, par sa propre chair, donc elle est trahie par sa propre féminité. Il y a déjà, dans cette action, il y a une scène en quelque sorte surnaturelle et violente, où apparaît ce que vous dites, c'est-à-dire un élément qui permet d'entrevoir tout ce que je dirais de l'androgyne plus tard, et du conflit que ceci représente dans l'existence, en même temps qu'il est un objet d'aspiration. C'est une image que vous développez dans le Baphomet, par exemple. Que je développe, en effet, dans le Baphomet, Maintenant, pour en revenir à ce que vous disiez d'Octave, qui représente un point de vue, disons, d'une société déjà archaïque, il me semble que dans les lois de l'hospitalité, justement telles qu'elles sont formulées par Octave, se retrouvent certaines des théories les plus modernes sur un développement de la société, d'où le mariage serait exclu. Quand on pense au groupe actuel de jeunes gens qui vivent ensemble ou qui souhaitent vivre ensemble, n'y a-t-il pas là un rapport ? N'est-ce pas la morale singulière des lois de l'hospitalité est basée sur la notion de propriété, du moins responsable, et sur les possibilités également de son expropriation. Mais les lois de l'hospitalité, telles qu'elles sont décrites par les données romanesques du livre, n'est-ce pas, sont basées évidemment sur la monogamie. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de... En somme, de bénéfice de jouissance, de bénéfice libidinal, si Robert ne reste pas toujours l'épouse de Octave. Et plus tard, ce même thème est repris sur un plan de simulacre dans Le Souffleur, où on ne sait plus dans quelle mesure il s'agit de la même Robert, mais avec un mari différent qui veut lui renouveler et mettre en pratique ce qui n'a été donné que de manière confuse en ce qui concerne la première partie, c'est-à-dire le professeur Octave. Et alors là, dans Le Souffleur, il est entouré de gens qui, eux, tendent précisément au phalanstère, à l'échange des femmes, à la mise en commun des femmes, et il a à un moment l'impression que l'un de ses rivaux à une épouse absolument identique à la sienne et que les deux femmes seraient interchangeables, cette vision étant une vision délirante, puisque la situation réelle doit se rétablir par le dénouement. Mais ceci est dû au fait que même ce personnage qui tâche lui-même de pratiquer les lois de l'hospitalité n'est plus très sûr de ce qu'il veut pratiquer. Et puis se ressaisit au cours d'une discussion avec son médecin qui veut le guérir et défend alors la monogamie comme le fondement de cette coutume vicieuse qu'il prétend pratiquer. Et en réalité, plus tard, il apparaîtra que la Robert du Souffleur n'a joué que le rôle de deux femmes, précisément dans le but de guérir Théodore de cette idée des lois de l'hospitalité, de la prostitution conjugale, en feignant de participer à un monde tout à fait contraire, c'est-à-dire où la prostitution délibérée est de l'initiative de l'épouse même et est donc basée sur l'échange, la communicabilité. Et finalement, lorsqu'il s'aperçoit qu'il s'agit que de la même femme, les péripéties sont telles que finalement lui-même se croit l'hôte de la rivale de sa femme et il retrouve sa propre femme avec cette idée que lui-même désormais est l'invité. Alors, ce genre de décomposition rétablit la situation au sens des normes qui ont présidé à l'action. Klosowski, hier nous avons parlé de la trilogie des Roberts. Peut-être pourrions-nous continuer aujourd'hui sur ce thème. Dans le roman Le Souffleur apparaît un personnage assez curieux qui est celui du médecin psychanalyste que Théodore Lacaze va consulter pour lui confier ses soucis et ses troubles. Le médecin, c'est-à-dire le psychanalyste qui intervient... Il y a toutes sortes d'éléments qui l'ont composé, évidemment. On retrouve toutes sortes d'ambiances et toutes sortes de discussions. Mais ces ambiances, pourriez-vous les caractériser par rapport à une époque de votre vie Non. L'ambiance d'un non, c'est-à-dire que c'est quand même un petit peu le monde de la psychiatrie actuelle. N'est-ce pas? C'est-à-dire d'une psychiatrie tout à fait révolutionnée et évidemment les intrigues qui ont pu susciter dans le monde psychiatrique ou dans le monde psychanalytique en particulier sont plus où il y a des allusions et ceci contribue encore à l'obscurité de l'ouvrage probablement. Maintenant, évidemment, il n'est pas question de parler de clés, de personnages que vous auriez choisis d'une certaine façon comme modèle. Mais malgré tout, il a été dit, il a été même écrit que le personnage qu'on trouve au début du roman Le Souffleur représentait d'une certaine manière Gide. Oui, je crois en effet que le personnage du prologue, que certains critiques ont pris tout simplement pour une figure de Dieu, est en réalité Gide. Un Gide d'ailleurs très transposé et tout de même avec certains réflexes, certaines façons de réagir telles qu'il les avait avec certaines personnes de son entourage et en particulier avec moi-même. Et j'ai imaginé qu'il était le parrain de Robert, ceci d'une façon tout à fait cohérente, puisque Robert est issu d'un milieu calviniste. Mais ceci, ce sont plutôt des couleurs locales, en somme, pour donner une apparence d'historicité. Bien sûr, mais vous dites ce personnage transposé. Justement, il est transposé en ce sens que Gide, évidemment, est tout à fait en dehors des problèmes que j'agite. Lui-même, avec le roi Condole, et c'est Henri Thomas qui a rappelé ce rapport des lois de l'hospitalité avec Gide par ce biais, dans le roi Condole, il y a aussi ce désir de prostitution de l'épouse. Comme une loi somptuaire. Mais en réalité, Gide n'est qu'une figure spectrale. Et avec son opposé, qui est celui de Rodin, le personnage de Rodin, qui est tout simplement une autre phase d'Octave, et qui lui représente justement le monde de la réaction décadente, de l'intelligence de droite décadente, en somme. Et ayant quand même une psychologie infiniment complexe et susceptible de s'ouvrir à ses problèmes. Il est certain que Tout ce qu'on nomme le monde de la perversité, dont la notion est entièrement renouvelée aujourd'hui, si l'on remonte au maître de la littérature perverse, qui est essentiellement sale, ou bien de la problématique des perversions, n'est-ce pas, essentiellement sale, alors on voit des figures qui appartiennent à un monde d'ancien régime et qui ne font profession d'idées révolutionnaires que dans la mesure précisément où les idées révolutionnaires peuvent corroborer leur vision retournée du monde. Aujourd'hui, évidemment, il n'y a plus cette position aristocratique exclusive qui était typiquement représentée par Barbey de Rivizy, encore, n'est-ce pas, en quelque sorte que c'était, il fallait une sorte de contemplativité aristocratique pour pouvoir s'intéresser au monde de la perversité. Tout ceci, évidemment, a été complètement bouleversé depuis que on a des notions entièrement nouvelles de la personne humaine et des conditions sociales. Et par conséquent, il y a une mentalité qui reprend ces problèmes d'une façon beaucoup plus sereine, en quelque sorte, libérée, si l'on veut, peut-être aussi plus banale. Oui, mais où serait la perversité dans le monde d'aujourd'hui ? Existe-t-elle encore ou est-ce qu'elle est liée à une notion, par exemple, à une notion de pouvoir des gens qui ont la... Je voulais simplement souligner qu'il y avait des conditions sociales, des milieux dans lesquels une version négative, pessimiste de la perversion ajoutait en quelque sorte à l'intensité. En fait, ce qui importe, c'est la contrainte. C'est la contrainte obsessionnelle. Et chez Gide, par exemple, il n'y a pas de contrainte obsessionnelle. Le rôle de l'homosexualité est un fait constitutionnel qui n'a jamais été vécu par Gide de façon perverse, qui l'a obsédé d'un point de vue moral et social, mais qui ne lui a jamais posé un problème quant à lui-même. Oui, alors par conséquent, la pédérastie telle qu'elle se présente, au contraire, dans des conditions beaucoup plus difficiles et beaucoup plus terribles aussi, chez le marquis de Sade, n'est-ce pas, supposait des situations infiniment plus tendues que pour la vision psychologique d'un Gide, n'est-ce pas. Il fallait que Sade, qui était lui foncièrement pédéraste, ait eu quand même des débats intellectuels dans ce monde rationnel, n'est-ce pas. Donc, était-il quand même très accablé par les effets de sa monstruosité, même s'il considérait qu'intrinsèquement, il n'était pas un monstre, n'est-ce pas. Donc, l'élément de monstruosité a été certainement vécu d'une façon beaucoup plus grave qu'elle ne l'est vécue aujourd'hui. Et encore à l'époque, à une époque plus récente, la monstruosité reste la monstruosité pour des esprits comme Barbey de Rivizy, pour Baudelaire aussi, dans une certaine mesure. Et le fait de dire que la monstruosité et la nature et l'état normal du monde ne suffit pas pour justement diminuer la tension que représentait la monstruosité intime pour un individu. Mais voulez-vous dire que cette monstruosité... La monstruosité, c'est l'incommunicable. C'est l'incommunicable. Et certainement que je ne crois pas qu'aujourd'hui, la communicabilité soit soulagée sous ce rapport. Pas du tout. Mais croyez-vous vraiment que dans la société d'aujourd'hui, la liberté des mœurs soit une chose réelle ? N'est-ce pas plutôt une apparence ? Je crois que cette liberté des mœurs est toujours déterminée d'une manière négativement réactive que les conditions ne sont pas créées. Finalement, le mariage existe toujours. De toute manière, il existe. Nous sommes en régime de propriété morale. Par conséquent, tant que la notion de l'intégrité de la personne humaine se maintient dans un sens propriétariste, nous ne resterons toujours que dans un monde de subversion, de répression. Et dans un certain sens, la répression n'est pas extérieure, elle est également interne. Elle est à l'intérieur même des individus, car je crois tout de même que les êtres ne peuvent pas désirer sans qu'il existe une tension, une contrainte et un besoin, une possibilité d'explosion. Oui, et donc cette notion de la personne humaine n'est pas près de disparaître. On ne peut presque pas envisager qu'un jour elle puisse se transformer suffisamment pour que les êtres vivent en société comme s'ils n'étaient pas des individus. Je crois en effet qu'un jour, les êtres seront considérés comme des unités, comme des centres de force. J'ai aujourd'hui une vision des choses qui est beaucoup plus proche de Fourier que de Sade. Et la notion du jeu par rapport au sérieux de la perversion que Fourier voulait justement résoudre par le jeu et par le simulacre, je m'en sens plus proche aujourd'hui que je ne l'étais au moment où je rédigeais les lois de l'hospitalité. Et tout de même, le problème subsiste, savoir si vraiment la perversion est irréductible, non pas parce que c'est tout simplement un produit de conditions externes, je crois que la perversion est une forme de l'existence, peut se produire avec d'autres moyens, pourra toujours se reproduire, mais justement, Fourier veut que les êtres prennent conscience de ces possibilités et les mettent en scène. Vous faites une allusion là au nouveau monde amoureux de... Oui, par exemple. La société est organisée de telle manière que chacun puisse satisfaire ses goûts. Les gens vivent dans une Ceci sorte... Ceci paraît en effet extrêmement cohérent et riche. Oui. Seulement, peut-être parce que c'est tellement cohérent, c'est précisément ce qu'il y a de plus difficile. Ce oui. qu'il y a de plus difficile à réaliser. Non, il y a une chose qui m'a frappée à la lecture du Nouveau Monde Amoureux, justement, c'est que là-dedans, à peu près tout peut se passer sauf l'existence d'un couple, d'un homme et d'une femme qui désireraient vivre ensemble d'une façon prolongée dans cette société d'harmonie. Il me semble que tout est conçu de telle manière que les gens vivent d'une certaine façon en symbiose, d'une manière... Les êtres sont amenés à vivre comme des séries de singularités, en somme, au sens où Gilles Deleuze a développé la notion leibnizienne des séries. C'est-à-dire des combinaisons perpétuelles qui s'enrichissent, qui s'intègrent, se désintègrent, se recomposent, et ainsi de suite. Mais il y a quand même une chose très étonnante chez Fourier, dans le Nouveau Monde Amoureux, c'est ce qu'il nomme l'angélica, c'est-à-dire la passion toute mentale d'un être pour un autre, c'est-à-dire le couple, qui devient exemplaire sous ce rapport, mais en même temps souffre la prostitution mutuelle. C'est-à-dire que l'homme et la femme se prostituent chacun de leur côté en compensation de cette exclusion des contacts charnels que eux-mêmes représentent par leur union. Et je considère que ça, c'est une vision absolument géniale de Fourier, parce qu'elle reprend toutes les gammes, tous les énoncés de la passion. Sans exclure la perversion, il y a l'amour-passion, l'amour platonique, l'amour transcendant, sublimé, mais toujours en posant ses propres opposés. Pierre Klossowski, si vous le voulez bien, nous pourrions aujourd'hui parler de votre roman intitulé Le Baphomet, qui met en scène une série de personnages réels qui ont appartenant à l'époque des Templiers et d'autres personnages fictifs. Et ces personnages, on pourrait dire qu'ils passent par de curieuses transformations. Pour bien préciser comment se présente la composition de ce livre, qui est en apparence un roman pseudo-historique, je veux dire, le genre est un petit peu parodier. Ce n'est pas pour rien qu'il y a des personnages dont le nom a été emprunté, par exemple, à Walter Scott, notamment un personnage tout à fait épisodique, qui est le chevalier brillant de Bois Guilbert. Mais il y a des personnages historiques, comme Jacques de Molay, le dernier grand maître du Temple, Philippe le Bel, et ceci pour montrer quel est le point de départ. Il y a un prologue qui indique simplement la situation, les machinations du roi, Philippe le Bel ayant décidé de supprimer le Temple, pas seulement pour des raisons financières, mais aussi en tant qu'État dans l'État. Mais enfin, tout ceci est très extérieur, et le personnage central est un adolescent qui est le pupille de sa tante, Valentine Châtelaine, qui se nomme Valentine de Saint-Vie, une intrigante qui veut récupérer une partie de son domaine donné par son aïeul à l'ordre du Temple et qui, par pure cupidité, profite de l'hostilité générale dont les Templiers sont l'objet à ce moment-là et imagine de faire passer son neveu en tant que page dans la Templerie pour espionner ce qui se passe à l'intérieur de la commanderie du Temple voisine et surtout pour étayer la rumeur que les Templiers non seulement se livrent à des opérations mystérieuses. En fait, la plupart des commanderies à cette époque-là étaient devenues des foyers de l'alchimie. Mais parmi les chefs d'accusation, il y a surtout celui de sodomie. Et alors, le jeune Eugier de Beauséant est introduit, c'est en somme les chevaliers qui demandent à la châtelaine de leur céder le jeune Eugier en tant que page et dans l'intention d'en faire à son tour un membre de la communauté. En fait, le jeune Eugier est à la fois le piège tendu par sa tante aux Templiers et en même temps il est la victime. Et alors, et en effet, et alors il se trouve que au sein même de la commanderie, il y a un groupe ésotérique et un scandale éclate qui n'est pas dû à une découverte de pratique, mais qui peut donner lieu à des soupçons du côté de l'extérieur. Et le commandeur, qui lui n'est pas précisément initié, mais qui soupçonne des mœurs abominables, fait murer ce groupe de chevaliers avec le jeune Augier, après l'arrestation d'ailleurs par les chevaliers de sa tante Valentine, et lui-même passe en jugement et tous les deux doivent en principe être exécutés comme espions de la royauté. Et alors, ce groupe de chevaliers est muré dans un oratoire. Et c'est dans cet oratoire que se déroule tout un rituel au cours duquel le jeune Augier est à la fois adoré comme Baphomet, c'est-à-dire l'idole des Templiers, et finalement exécuté. Et c'est à ce moment que commence l'histoire. Tout ceci est le prologue. Et la véritable action se situe hors du temps, c'est-à-dire aussi bien maintenant que dans les siècles précédents, et dans un au-delà qui n'est pas l'au-delà théologique, mais une sorte d'intervalle de monde en suspens où les êtres qui ont vécu et ceux qui doivent naître existent à l'état de souffle. Et surtout les souffles expirés par des corps qui ont vécu. Alors là, l'action reprend et on assiste à une rencontre de souffles, celui de Jacques de Molay, après son exécution, et un esprit d'une époque plus tardive, qui est Thérèse, qui est Sainte Thérèse d'Avila, et qui, dans l'action, représente le monde baroque, opposé à celui de Jacques de Molay, qui est le monde gothique. Et on apprend que ceci est à la fois d'ordre théologique et quand même relève du fantastique. Le maître est chargé de trier les souffles qui expirent chaque jour et de les garder dans sa templerie jusqu'au moment du jugement dernier. Or, le jugement dernier est ajourné de siècle en siècle. Et l'idée du jugement dernier représente également le principe d'identité du moi responsable, responsable des actes vécus dans un corps qui a été la propriété de ce moi, et ainsi de suite. Et à ce moment, Thérèse, la grande contemplative, annonce une nouvelle qui paraît absurde et qui, de toute manière, relève d'une conception absolument hérétique, sinon même antichrétienne. Elle annonce que le nombre des élus est clos et qu'en somme, le ciel hiérarchique chrétien, est fermé pour les générations qui vivent actuellement, ce qui explique que Jacques de Molay, en tant que grand maître chargé de trier les souffles expirés, est de plus en plus débordé, simplement parce que le nombre des élus est clos. Il faudrait peut-être revenir à la fin de ce prologue, qui se termine par la mort d'Augier, et nous voyons ensuite les personnages revenir sous une autre forme. Disons plutôt que les personnages et l'apparence qu'ils revêtent ne se correspondent plus tout à fait. Donc le récit. La fin du prologue suppose que, ce que tout le monde sait, l'ordre a été aboli par Philippe, le groupe des dignitaires templiers dont Jacques de Molay a été supplicié, et depuis des siècles, le souffle expiré de Jacques de Molay. Chaque année, jour anniversaire de leur supplice, rassemble les âmes des frères chevaliers et on célèbre au cours d'un festin et de toutes sortes de cérémonies sous une apparence de corps emprunté, puisque les souffles, en l'occurrence, revêtent l'apparence de leur allure corporelle. Et ceci, précisément, pour combattre cette hérésie qui leur était imputée, à savoir qu'il n'y a jamais eu d'incarnation et que le corps a toujours été une pure apparence. Alors, précisément, Jacques représente non seulement la doctrine chrétienne de l'incarnation et de la résurrection des corps, mais il représente donc l'idée du moi responsable des actes vécus dans un corps propre. Et alors, au cours de ces cérémonies, la templerie est hantée par différentes puissances spirituelles pour la raison qu'il existe une doctrine secrète qui veut qu'effectivement, ce pourquoi ils ont été condamnés, ils le vivent au-delà de la mort. Il n'y a point de résurrection, mais il y a un état de disponibilité perpétuelle qui en quelque sorte, rejoint un petit peu l'idée de la communicabilité des scolastiques, c'est-à-dire que la personne responsable devient, en tant que telle, incommunicable, ne peut pas être échangée, assumée par d'autres esprits, mais dès que la personne est remise en cause par le signe d'identité que représente le corps, elle devient, si j'ose dire, assumable par d'autres puissances. C'est le principe du mélange des personnes, de la coexistence de différentes individualités les unes dans les autres, et ceci sur un plan absolument atemporel. En somme, le Baphomet représente un stade ultérieur par rapport aux lois de l'hospitalité, en ce sens que dans les lois de l'hospitalité, les personnages sont d'une certaine façon divisés à l'intérieur d'eux-mêmes, tandis que dans le Baphomet, les corps tels qu'ils sont représentés sont des sortes de lieux où, dans lesquels s'introduisent diverses personnalités qui sont représentées par les souffles, se mélangent. C'est ça. Et ce que j'ai essayé de décrire d'une manière dramatique, dans la perspective romanesque d'une action fantastique, en partant de données qui appartiennent au monde médiéval, au monde baroque et au monde moderne, c'est en somme une illustration d'un concept de l'existence qui abolit la persistance de l'identité et, d'une manière générale, combat le principe de l'identique. À la fin du roman, on voit apparaître le jeune Ogier qui entre dans la salle du festin en amenant un tamanoir. Ce tamanoir, est-ce qu'il représente une sorte d'illustration? Alors, bien sûr, n'est-ce pas, parler du Baphomet comme nous en parlons, on a l'impression de quelque chose d'horriblement abstrait, et en fait, tout se déroule, comme Blanchot l'a très bien indiqué, à la manière d'un conte oriental. Ce tamanoir contient un personnage que les Templiers croient pouvoir identifier avec l'empereur Frédéric II de Hohenstaufen, qui était leur adversaire. Frédéric II de Hohenstaufen est un prince humaniste qui avait la réputation à l'époque de l'antéchrist par son opposition à la papauté. En fait, le personnage que contient le tamanoir serait plutôt l'autre Frédéric, c'est-à-dire Frédéric Nietzsche, le docteur de l'éternel retour, c'est-à-dire d'une doctrine qui précisément abolit le principe de l'identique, du non-retour, d'une fois pour toutes, d'une progression qui va vers un but qui doit être atteint définitivement. Eh bien là, au moment même où ce but paraît être atteint définitivement, il y a un brusque renversement qui montre que le but s'éloigne toujours et en quelque sorte que le commencement et la fin se confondent dans la rotation d'un cercle qui est le principe même de l'existence, comme la raison même des événements successifs. Pierre Klossowski, vous dites « Pour moi, écrire des livres revient à rédiger une relation de voyage qui évoquerait des lieux parcourus. Que me vienne seulement la certitude que ces lieux existent par eux-mêmes et je cesserai aussitôt d'écrire. Comment l'entendez-vous? Comment pensez-vous que ces lieux puissent exister par eux-mêmes? Non, ce sont des états, et proprement des états d'intensité, Mais pour se retrouver, enfin c'est une topographie psychique, il faut un système de signalisation. Je parle des différents amis qui tous se sont penchés d'une manière ou d'une autre sur ce que j'écrivais et faisais. Je songe à Georges Bataille d'abord, plus tard à Michel Butor, à Georges Perros, ses premiers intimes, qui sont très différents les uns des autres, justement, se sont retrouvés en raison de ce jalonnement que j'ai donné de ma propre évolution et mes propres affinités, malgré les divergences qui les menaient ailleurs, se sont tout de même un certain moment retrouvé là où j'ai l'habitude de résider. Donc ce ne serait pas tout à fait un voyage, si vous voulez, ce lieu pourrait être c'est-à-dire que je dis voyage pour la manière dont moi-même j'ai repéré ces lieux en moi-même ou qui existaient de manière plus ou moins insoupçonnée chez les autres. Et j'en ai constitué un continent, ou une île, si vous voulez. Et par conséquent, je crois avoir établi un niveau où une inclination les amenait à leur tour. Et certainement que c'est un problème d'affinité qui joue et qui est plus profond que la manière dont les uns et les autres se prononçaient dans des directions différentes. Cependant, il vous arrive de chercher à retrouver, par exemple, vos amis dans un lieu étranger, par exemple en Italie, qui est un de vos lieux de prédilection. Et qu'est-ce que cela peut signifier pour vous de vous retrouver dans un autre lieu avec des gens que vous connaissez? Est-ce que quelque chose se passe pour vous à ce moment-là? Je crois que les moments les plus intenses qu'on avait vécu ensemble auparavant trouvent en quelque sorte leur image dans des lieux aussi prestigieux que le sont, du moins pour moi, qui malheureusement ne connaît pas Pékin, mais qui suis heureux et qui considère comme lieu prestigieux toujours le Palatin ou n'importe quel quartier de Rome. Qu'est-ce qui vous attire particulièrement dans vos promenades romaines? Eh bien, c'est la confirmation de certaines émotions qui m'avaient été données par les textes latins au moment où j'apprenais la langue latine. En quelque sorte, pour moi et pour beaucoup d'autres, la langue latine est la véritable langue maternelle. Vous avez peut-être d'autres lieux de prédilection. Je pourrais penser, par exemple, à la Suisse. La Suisse, alors ce que je nommerais ma préadolescence, coïncidant en Suisse avec les événements de la Première Guerre mondiale, les lieux où je m'y suis trouvé successivement, à Berne d'abord, et plus longuement à Genève, se ressentaient de toutes sortes de mouvements importants qui se sont affirmés au lendemain de la guerre. Et pour ne parler que des différentes personnes réunies à Genève vers les années 17, 18, 20, le premier Jouve, le théâtre Pitoyev, en Sermet, qui venait de créer l'histoire du soldat de Stravinsky. Et nous avons vécu même dans la même villa que les Ensermets à cette époque. Et enfin, un artiste très émouvant qui vient de mourir, qui appartenait au même groupe que Jouve à cette époque, Franz Masrel. Et en plus de ceci, mes premières années d'enseignement secondaire au Collège de Genève et aussi une ouverture sur l'Italie à ce moment-là. Pensez-vous que les événements du passé puissent se transformer en une sorte de rêve? Ah, certainement. Certainement qu'il y a une refonte et que certaines manières d'éprouver se poursuivent pour déchiffrer les sensations, les inclinations ou les motifs dont nous avons conscience. Mais quel rapport pourriez-vous établir entre cette conception que vous avez de la mémoire? Non, si et... vous voulez, il y a, pour tout dire en un mot, il y a différentes toiles de fond représentant des pays, autant de pays de tendre, qui s'ouvrent, qui se lèvent les unes sur les autres. Et qu'il y a une superposition des différents paysages ou des différentes cités où j'ai vécu et que l'on en formerait évidemment une sorte de métropole extraordinaire selon les transparences respectives des unes et des autres. Mais sont-elles toujours, ces choses sont-elles pour vous toujours présentes d'une certaine façon ? Selon les visages, selon les physionomies, il y a certainement aujourd'hui des physionomies qui, les unes ou les autres, ont plus ou moins de rapport avec ces différents lointains qui, de temps à autre, se réactualisent. Alors peut-être que cette question vous paraîtra hors de propos, mais est-ce qu'il y a pour vous une sorte de rapport avec... avec un éternel retour des choses ou est-ce que vous voyez c'est cela? Plutôt un non, ce n'est pas l'éternel retour. L'éternel retour est basé sur une intensité qui ne s'expliquerait que parce que il a fallu traverser d'autres existences pour comprendre cette intensité. Je dirais simplement qu'il s'agit de cycles dans l'intervalle, le simple, bref intervalle de cette existence-ci. Il y a tout de même différents cycles. Et ce qui est assez singulier, c'est que tous les 5 ans ou à de plus longs intervalles, je fais connaissance, je me lie avec des êtres qui me ramène presque infailliblement en arrière, soit par leur propre contexte, soit par des rapports indirects. Ce qui me frappe, c'est la régularité avec laquelle ce phénomène se produit à chaque fois avec des êtres qui, indépendamment de ceci, ont de l'importance pour moi. Oui. Et dont l'importance se double du fait qu'ils appartiennent effectivement à un mouvement cyclique. Dans le texte qu'il vous a consacré dans la revue L'Arc, intitulé « Le moins qu'on puisse dire », votre ami, l'écrivain et poète Georges Perros, écrit ceci. « À son passage se met en branle une musique qui tient d'Offenbach et de Mozart, d'Orphée aux Enfers et de Don Giovanni. Un rien inquiétante. Cet homme semble venir de très loin, pas seulement d'Europe centrale, pas seulement de la Rome impériale, pas seulement de Tübingen. Il semble donc, sur le plan musical, vous rattacher, tout en disant pas seulement, à un certain foyer qui se situerait du côté de l'Europe centrale. Je crois que c'est juste dans la mesure uniquement où c'est dans l'Europe centrale que le baroque s'est épanoui et parce que j'ai énormément d'affinités, en effet, avec le monde baroque, que ce soit au point de vue musical ou au point de vue architectural ou sculptural. Donc vous avez l'impression peut-être que quelque chose est parti de là, tout de même, de ce centre de l'Europe. Mais je n'ai jamais vécu à Salzbourg. J'ignore encore aujourd'hui Salzbourg, j'ignore Vienne. Le monde baroque que j'ai connu, c'est surtout l'Italie, la Bavière, Munich, mais dans la mesure où Perros croit devoir faire allusion à mes origines slaves ou germaniques, tout ceci serait plutôt erroné. C'est vrai dans le fond, dans la mesure où je crois d'une manière générale que je participe aujourd'hui beaucoup plus au mouvement de l'histoire de la sensibilité, qui est celui, si l'on s'oriente d'après les fleuves, qui serait plutôt le Rhin Tibre plutôt que le mouvement de la Seine et de la Loire, bien que je me trouve très, très, très sensibilisé depuis peu de temps d'ailleurs par la Loire. Mais c'est moins profond que cet appel que j'ai indiqué, le mouvement des fleuves qui vont soit du sud au nord ou du nord au sud, n'est-ce pas, et qui explique par exemple au point de vue pictural des influences réciproques des Flamands sur les Italiens, des Italiens sur les Flamands. Eh bien, ceci, qui plus tard est l'histoire du mouvement, de l'épanouissement de la musique, n'est-ce pas, c'est la genèse de sensibilité dont au moins je relève. Et aussi une certaine fatalité qui serait plutôt celle du Saint-Empire romain germanique, tel que, par exemple, Charles-Albert Saint-Griat l'avait admirablement réactualisé dans ses différents écrits. Quelqu'un qui est inclassable et pour cause. Sposatevi così ragazze, rinfrescatevi bei giovinotti, tornerete a far presto le pace, tornerete a scherzare e ballare, a scherzare e ballare. E il caffè, cioccolata, zerbina, giudizio, sorbetti, confetti, zerbina, giudizio, troppo dolce, polizia, cielo. Sei pur caraggiando da Sandrina, quel vasetto mi pare stralunato, la bricola bisogna cervello adoperato, l'amore che ti farà la testa, quel vasetto mi pare stralunato, che bisogna cervello adoperato, cervello adoperato, quel vasetto mi pare stralunato, che bisogna cervello adoperato, cervello adoperato, qui bisogna cervello adoperato. Cette série d'entretiens a été diffusée pour la première fois sur France Culture les 5, 6, 7, 8, 9 et 10 juin 1972.